Une fois n'est pas coutume, nous n'allons pas vous parler de grande science ce soir, mais de science instrumentalisée, prise en otage, dénaturée, pour servir une cause idéologique plutôt que pour chercher à décrire et à comprendre la réalité. Nous verrons comment les dérives du passé résonnent avec celles d'aujourd'hui. Bienvenue sur Podcast Science, épisode 103. Nous sommes le jeudi 4 octobre 2012 et David nous parle d'histoire des sciences avec l'incroyable histoire de Trofim Denisovitch Lysenko. Équipe réduite ce soir, mais néanmoins redoutablement efficace, avec un David en pleine forme, j'espère. Salut David. Toujours, bonjour. Magnifique. Et un Nico privé des caractères numériques de son clavier. Salut Nico. Salut, privé des entiers strictement positifs. C'est très fort. Pour un mathématicien, il fallait le faire. Tu vas redécouvrir les jouets des chiffres romains. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis sûr que t'as d'autres moyens. Chiffres romains sur la chatroom. T'as d'autres moyens de faire des calculs. Heureusement que ça tombe sur toi. Donc, Nico vient de renverser de la bière sur son clavier. Félicitations. Alors, au sommaire de l'émission de ce soir, d'abord un dossier de David sur la science soviétique. Le One Minute Pitch de Nico, qui, après nous avoir parlé de tout avec l'infini, va nous parler de rien avec le zéro. On entendra le son de la semaine, le blog audio de la semaine par Nico, un rapide retour sur les émissions précédentes, le quiz de la semaine. Et finalement, comme d'habitude, quelques rapides annonces en fin d'émission. Du coup, je vous propose qu'on démarre tout de suite. David, t'es prêt ? Tout à fait. Alors, go, on t'écoute. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter Trofim Denisovitch Lysenko, un scientifique dont la carrière exceptionnelle lui a permis de régner sans partage sur la biologie russe pendant 4 ans et de l'influencer considérablement pendant au moins 30 ans. Souvent, les scientifiques entrent dans l'histoire quand ils font faire, grâce à leur découverte, un bond dans le temps à leur discipline. Lysenko est entré dans l'histoire en faisant faire un bond en arrière de plusieurs dizaines d'années à son domaine d'études. Ce qui est assez exceptionnel. Je vais d'abord commencer par vous raconter rapidement et chronologiquement l'histoire de Lysenko, et puis après on ira vers ses fondements, vers les raisons, et vers les conséquences que ça peut encore avoir à l'heure actuelle. Donc Lysenko, né en 1898 et mort en 1976, se réclamant de l'héritage de Mitchourine, dont je vous parlerai par la suite, acquiert rapidement une certaine notoriété en se présentant comme l'inventeur d'une technique découverte dans quelques années plus tôt aux États-Unis, la vernalisation. Pareil, j'en dirai un mot par la suite. Il obtient rapidement le soutien de la Pravda, l'organe officiel du Parti communiste de l'Union soviétique. Entre 1930 et 1940, un combat s'engage entre ses partisans, les partisans de Lysenko, et les tenants de la biologie conventionnelle, évolutionniste, mendélienne et partisane de la sélection naturelle, ce que donc n'est pas Lysenko. Je décrire en détail un petit peu plus tard. Un combat s'engage entre les partisans de Lysenko et les biologistes conventionnels, tels Nikolaï Ivanovitch Pavlov, qui était en 1930 le président de l'Académie Lénine des sciences agronomiques, et qui est Académie Lénine des sciences agronomiques, qui était en Russie non seulement un équivalent de notre Académie des sciences, mais aussi en quelque sorte du CNRS, un organisme qui finançait un certain nombre de recherches, qui conduisait des recherches, etc. Donc quelque chose de très important. En 1937, alors que Vavilov s'apprête à organiser à Moscou le Congrès international de génétique, et que Staline prononce un discours sur les défaillances à l'intérieur du parti et les mesures à prendre pour liquider les trotskistes et les traîtres, Lysenko, secondé par le philosophe Isaac Israelevich Present, quelqu'un dont on aura l'occasion de reparler, qui va activement développer ce que l'on appellera la théorie des deux sciences, c'est-à-dire l'idée selon laquelle existerait d'un côté une science bourgeoise, nocive, entre guillemets, par essence, et d'un autre côté, une science prolétaire que l'idéologie communiste cherche à promouvoir. Donc, Lysenko, secondé par Present, se lance dans une campagne visant à présenter les généticiens classiques comme, je cite, « des saboteurs, des incapables, des ennemis du prolétariat rampant à genoux devant les propos réactionnaires des savants étrangers ». Vavilov pliera devant ces accusations et l'organisation du congrès en URSS sera finalement annulée, du congrès de biologie donc, en En 1940, alors que Lysenko poursuit son ascension, Vavilov sera arrêté et mourra au goulag quelques années plus tard, en 1943, si je ne fais pas d'erreur. Pendant cette période, Lysenko sera propulsé au devant de la scène, entre autres grâce à une réaction de Staline à l'écoute de Lysenko, qui était « Bravo, camarade Lysenko, bravo !» Ce qui était une validation meilleure que la totalité des comités scientifiques que l'on pouvait imaginer pour Lysenko. Entre 1940 et 1948, malgré de persistantes oppositions de la communauté scientifique, Lysenko et ses partisans prennent peu à peu le contrôle de la biologie soviétique. Lysenko devient le président donc de l'Académie Lénine des sciences agronomiques, dont je vous ai parlé tout à l'heure, à la tête de laquelle se trouvait Vavilov quelques années auparavant. En 1948, Lysenko est encore mis en cause par d'importants scientifiques, dont Yuri Zhdanov, fils d'Andrei Zhdanov, troisième secrétaire du Parti communiste, soutien important de Staline et auteur de la doctrine portant son nom, la doctrine Zhdanov, donc grosso modo une partition du monde manichéenne entre les gentils pays communistes contre les méchants pays capitalistes. C'est un petit peu l'idée de la doctrine Zhdanov. Après s'être assuré du soutien de Staline, Lysenko, donc mis en accusation par certaines personnes, dont le fils d'Andrei Zhdanov, organise une discussion publique entre lui et l'ensemble de ses opposants à l'occasion de la session d'août de l'Académie Lénine des sciences agricoles. À ce congrès, après les avoir laissés s'exprimer, Lysenko revendique le soutien de Staline et du comité central et explique que Staline a relu son discours. Ce soutien public mit un terme définitif, ou en tout cas pour le moment, au débat et d'importantes purges parmi les scientifiques non lysenkistes suivirent cet événement. La période 1948-1950 correspond à l'apogée du lysenkisme. À cette époque, l'idéologie tente de se répandre à l'étranger, en particulier en France, où elle connaîtra un certain succès. Il faut attendre la chute de Staline, puis celle de Beria, période où on aura peut-être l'occasion de reparler plus tard, et l'accession au pouvoir de Nikita Khrouchtchev en 1953 pour que Lysenko soit une première fois mise en cause et qu'il perde à cette occasion son poste de président de l'Académie des sciences agricoles. Même si la présidence de Khrouchtchev se caractérise par un retour d'un certain pluralisme dans la recherche en biologie, néanmoins Lysenko garde pendant toute cette période une grande influence, de nombreux appuis au comité central, et ce n'est qu'en 1965, quelques semaines après la chute de Nikita Khrouchtchev, que Lysenko perd réellement son pouvoir et son poste de directeur d'un autre institut dont il avait acquis la direction, qu'il avait plus ou moins créée après son retrait de la tête de l'Académie des sciences agricoles, dont je vous ai parlé précédemment. Ok, donc c'est en 1965 seulement qu'il a été destitué de toutes ses responsabilités. Tout à fait. C'est en 1965 qu'enfin une commission a analysé en détail l'intégralité de ses travaux et s'est rendu compte que, alors que bon, il le savait déjà depuis un certain nombre d'années, ce n'était absolument pas scientifique, que ça n'avait aucun sens et qu'il a vraiment été mis de côté et perdu l'influence qui lui est restée. Bon, ça a été quand même relativement progressif. Alors là, j'ai un petit peu terminé sur la chronologie. Maintenant, avant de vous expliquer un petit peu la science que développait Lysenko, je vais dire deux mots très rapides sur deux autres intellectuels soviétiques qui sont un peu à la base, enfin qui ont fortement inspiré Lysenko, dont Lysenko se réclame. Le premier, c'est Michourine. Il faut savoir que Lysenko se réclame michourinien et explique qu'il développe une biologie michourinienne. Donc, quel est ce Michourine dont je vous avais déjà parlé au tout début du dossier? À l'origine, c'est un simple employé de chemin de fer, passionné par la biologie. C'est un pomologue russe, pomologue, c'est-à-dire qui s'intéresse aux fruits, qui cherche à acclimater des espèces végétales au rude climat russe et qui crée pour cela de nombreux hybrides de plantes vivant sous différentes latitudes. C'est un champion de la greffe. Michourine nourrit un certain ressentiment pour le tsar, au vu du dédain que celui-ci a manifesté pour ses recherches. Michourine avait constitué une collection d'arbres fruitiers qui était absolument impressionnante et il cherchait une certaine reconnaissance que ne lui a pas donnée le tsar à l'époque. Et il sera apprécié par Lénine et les dirigeants bolcheviques. Il sera un peu mis en avant comme représentant d'une science authentiquement communiste, c'est-à-dire que c'est une belle histoire qui va assez bien avec l'idéologie marxiste, c'est-à-dire que c'est quelqu'un sans formation particulière qui provient du peuple, issu directement du peuple, et qui arrive et qui réalise un certain nombre de travaux intéressants en matière de greffe, de travail sur des arbres fruitiers, etc. De l'autre côté, quelqu'un d'autre qui est important pour comprendre Lysenko, c'est Nikolai Mar, qui est un historien et linguiste soviétique qui va développer ce dont je vous ai déjà parlé, qui va d'abord développer la notion de classe en linguistique. Pour Mar, il existe une incompatibilité entre la langue pratiquée par les prolétaires et celle pratiquée par les classes bourgeoises. Mar en déduit conformément au marxisme originel. Donc la révolution sera mondiale ou ne sera pas, et à sa déclinaison sous Lénine, qu'il sera nécessaire, après le triomphe mondial du communisme, de mettre en place une langue mondiale unique. Et donc c'est en dérivant cette théorie linguistique que des gens comme Present et Lysenko vont aboutir à cette théorie des deux sciences qui est directement issue de Marx, à savoir d'un côté une science bourgeoise et de l'autre côté une science prolétaire, incompatibles entre elles, la victoire finale du communisme ne pouvant que s'accompagner de la victoire d'une science prolétaire et la défaite de la science bourgeoise. Est-ce que je suis clair jusqu'à maintenant ? Toi, tu es parfaitement clair. Moi, je suis complètement consterné par ce que j'entends. c'est fou, quoi. Qu'on ait pu imaginer des trucs comme ça, puis que ça ait passé en plus. Oui, c'est effrayant. Je suis tout à fait d'accord, mais ce n'est pas encore le pire, parce que pour le moment, j'ai pas énormément développé ce que développait Lysenko scientifiquement. D'accord. Théorie des deux sciences, c'est déjà assez gratiné. Oui, je suis d'accord, et c'est sans doute ce qu'il y a de plus marquant dans tout ce dont je vais parler, mais bon, il faut quand même parler de la science de Lysenko. Alors, la technique par laquelle Lysenko s'est fait connaître, c'est la vernalisation, donc qui consiste à soumettre une graine à un froid intense pour obtenir une floraison plus rapide. La pratique, et ça permet entre autres de soumettre des variétés de blé qu'il faut semer normalement en automne pour avoir une floraison adéquate, je pense au printemps, je ne sais pas exactement quand, de les planter donc au printemps au lieu de les planter en automne, et d'avoir une floraison plus rapide et d'avoir une moisson au bon moment. Mm-hmm. Bon, pour le coup, ça marche relativement bien. Relativement seulement quand même, mais et Lysenko nourrit l'idée de généraliser ce concept à l'ensemble des productions agricoles. Le petit problème, c'est que c'est pas véritablement tout à fait Lysenko qui a inventé cette technique. Il y a eu des publications scientifiques antérieures. Après, on sait pas vraiment si il y avait accès ou pas. Donc bon, on peut lui donner le bénéfice du doute. Néanmoins, bon, on sent quand même un petit peu la volonté de s'attribuer quelque chose qui est pas forcément à lui. À première vue, par ailleurs, le michourinisme ou le lysenkisme ressemble à une forme de lamarckisme tardif. Donc, le lamarckisme, c'est entre autres principalement l'hérédité des caractères acquis, et même si Lysenko se réclame avec force des idées de Darwin, il va s'opposer à sa principale innovation, à savoir la sélection naturelle, il va encore plus s'opposer à la génétique mendélienne. Alors Mendel était un moine, le fait de s'opposer à un moine peut être, était relativement bien vu dans le contexte politique dans lequel évoluait Lysenko, et donc il va rejeter avec force la génétique mendélienne. J'ai une citation de lui éventuellement, qui est assez rigolote, on va dire: les chromosomes ne sont pas une substance de l'hérédité spéciale, c'est le corps ordinaire, une partie de la cellule, s'acquittant d'une fonction biologique déterminée qui, en tout état de cause, n'est pas celle d'un organe de l'hérédité. Il existe et il peut exister dans l'organisme des organes différents, y compris ceux de la reproduction, mais il n'existe pas et il ne peut pas exister un organe de l'hérédité. Autant vaudrait-il y chercher un organe de la vie. Donc il a l'idée, en fait, c'est quasiment un vitalisme, c'est-à-dire que pour lui, l'hérédité va être en toute chose, va être présente dans la totalité de l'organisme, et par exemple, en faisant une greffe, en faisant un hybride végétatif, on va avoir un mélange des caractéristiques entre guillemets héréditaires des deux individus qui va être pour Lysenko de même type que celui que la reproduction sexuée. Grosso modo, c'est l'idée que si jamais on vous greffe le cœur de quelqu'un d'autre, votre patrimoine génétique, même si pour Lysenko il n'y a pas de patrimoine génétique, va se mélanger avec celui de la personne dont vous a greffé l'organe, et vos descendants tiendront à la fois de cette personne et de vous. D'accord. Ce qui est un petit peu bizarre, mais bon, soit, enfin, c'est plus archaïque que bizarre. Le vitalisme est davantage inquiétant, je dirais. Enfin, cette focalisation sur l'absence d'organes de l'hérédité, comme il dit, est davantage inquiétante. Donc, il rejette avec force l'idée de sélection naturelle. Il explique que la concurrence n'existe pas au sein d'une même espèce, donc ça va complètement à l'opposé de la sélection naturelle de Darwin, et donc il va avoir des théories un petit peu fumeuses. Il va expliquer qu'il y a une solidarité intraspécifique, et donc une plantation dense d'une seule espèce est une manière efficace de cultiver des terres arides. C'est souvent avec des arguments politiques et philosophiques que Lysenko va rejeter la sélection naturelle. Il va expliquer que, grosso modo, au nom d'un idéal marxiste, il ne peut pas y avoir de concurrence au sein d'individus d'une même espèce, et donc qu'il va naturellement y avoir une certaine solidarité envers des graines de je ne sais trop quoi qu'on va faire pousser en plantation dense. Donc ça ne marche absolument pas, c'est-à-dire que vous saturez un territoire pas particulièrement fertile de graines, ça ne va pas pousser mieux, ça va au contraire pousser beaucoup moins bien, parce qu'il va y avoir davantage justement de concurrence entre ces être vivant pour les maigres ressources du territoire concerné, de la terre concernée, et ça va pousser beaucoup moins bien, et il va y avoir beaucoup de choses, de plantes qui ne vont pas atteindre leur taille adulte. C'est assez rigolo de voir que malgré tout, Lysenko se réclame avec force, comme j'ai déjà dit, de Darwin, et on peut un petit peu tracer le parallèle avec la réception de Darwin à l'époque où il publie son ouvrage, dans le sens où même en Angleterre à l'époque, un certain nombre de personnes, quand ils ont lu pour la première fois Darwin, en fait ne comprenaient pas Darwin, mais comprenaient Lamarck, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas entendu parler de Lamarck préalablement, et en lisant Darwin, qui parlait bien évidemment de la sélection naturelle, ce qui était son idée majeure, mais qui n'excluait pas à l'époque l'hérédité des caractères acquis. Les deux étaient présents dans l'ouvrage de Darwin. Et il y a un certain nombre de personnes, même en Angleterre et à l'époque de Darwin, qui rejetaient complètement la sélection naturelle et qui gardaient juste l'hérédité des caractères acquis, c'est-à-dire qui ne retenaient que la marque de Darwin. Et Lysenko fait un petit peu pareil. Et après, il va y avoir d'autres théories encore un petit peu plus bizarres. Il va chercher à fabriquer de nouveaux types d'engrais. Généralement, les engrais à l'époque étaient constitués de terre et de fumier. Il y avait une proportion de 15-20% de terre et 80-85% de fumier. Donc, Lysenko, sans aucune base scientifique ni test, va expliquer qu'on peut inverser ces proportions et que ça marche aussi bien avec 80% de terre et 15-20% de fumier, ce qui ne sera jamais démontré, ne marchera pas. Il va aussi affirmer qu'il va y avoir une transformation rapide, que l'évolution va procéder par bond très rapide. C'est-à-dire qu'il a cette idée de l'hérédité des caractères acquis. Il part du principe que le milieu va sculpter donc les êtres vivants, bon, ce qui n'est pas forcément faux, et ce qui est faux pour le coup, que la manière dont un arbre va se développer, influencé par le milieu, va nécessairement se transmettre à sa descendance. Mais malgré les expériences qu'il tente de mener, ça va obviously ne pas marcher. Par contre, étant donné que ces protocoles expérimentaux sont assez faibles, de temps en temps, il va y avoir des graines de sésame qui vont se mélanger avec ces graines de blé. Et donc, il va avoir quelques épis de sésame au milieu de ces épis de blé. Et là, il va dire « Banco, j'ai transformé du blé en sésame. C'est la preuve que ça marche. » Et ça marche, c'est d'autant mieux qu'en gardant des protocoles expérimentaux faibles, en mélangeant différentes graines, il peut tout aussi bien prétendre la semaine d'après avoir réussi, ou peut-être pas la semaine d'après, mais quelques mois plus tard, avoir réussi à inverser le processus et avoir retransformé le sésame en blé. Tandis que trouver des espèces intermédiaires, ça nécessite qu'elles existent. Donc il va développer une théorie d'évolution par bond, de saut d'espèce en espèce, plus ou moins circulaire, où on peut transformer du blé en sésame, je crois. Non, je suis pas sûr pour le sésame, je me trompe peut-être d'espèce, mais bon, le principe est le même. Et puis bon, on va retrouver d'autres personnes dans le sillage de Lysenko, comme Olga Borisovna Lepechiniskaya, j'espère avoir prononcé ça correctement, qui va régner avec lui sur la biologie soviétique et qui va travailler sur la biologie cellulaire et qui va expliquer avoir observé l'apparition d'organismes vivants par génération spontanée. Pour prouver ses dires, elle va diffuser une vidéo à l'envers montrant la décomposition de cellules. C'est-à-dire, vous filmez une cellule en train de se décomposer, vous la revisionnez en reverse et vous avez de la génération spontanée. Je vois. La science serait beaucoup plus simple si jamais on procédait tout le temps comme ça. Donc là, ce que tu es en train de dire, c'est que ce n'était pas juste une bande de joyeux fous un peu illuminés qui croyaient avoir réinventé la science. Il y avait quand même un projet malhonnête. Alors, derrière, enfin là, les données ont été truquées. Il y avait obviously des méthodes qui étaient malhonnêtes. Après, est-ce qu'ils étaient convaincus ou pas de ce qu'ils faisaient, enfin, est-ce qu'ils pensaient véritablement avoir raison? J'aurais tendance, d'après mes faibles les faibles données que j'ai pu lire, à penser quand même qu'ils y croyaient vraiment. Néanmoins, au niveau de la méthodologie, c'est sûr qu'il partait du principe que la fin justifiait les moyens. Et de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler un petit peu dans la suite du dossier. Mais obviously, la vérité scientifique passait loin derrière tout un tas d'autres considérations dans leurs travaux. Il y avait d'un côté les nécessités politiques, il y avait de l'autre côté une idéologie et une philosophie, donc cette idéologie des deux sciences, etc., qui leur expliquait un petit peu à l'avance ce qu'ils devaient trouver. Il fallait qu'ils trouvent qu'il y avait de la coopération intraspécifique, intra-espèce. Prouver le résultat inverse avait pas de sens. Donc c'était une recherche qui allait dans... On avait un postulat de base qu'on ne voulait pas remettre en cause, et on faisait tout ce qui était en notre pouvoir pour essayer de prouver ce postulat de base, même si ça marchait pas. Et puis bon, il y avait quand même en URSS, surtout pendant la période de Staline, une espèce de tradition du trucage des données économiques, et on peut penser que la science devait être un petit peu influencée par ce contexte, ouais. Ou en tout cas Lysenko, dans le sens où l'objectif qu'on avait donné à Lysenko quand il a pris la tête de l'agronomie russe, c'était d'augmenter les rendements. Je vais en parler. Donc il y avait normalement un objectif concret qu'il était censé réaliser. Et je pense qu'il considérait qu'il avait besoin de donner des gages au parti qu'il avançait dans le bon sens. Donc, si jamais il n'avait pas de résultat, bah, il en inventait, sachant qu'il devait quand même savoir que les gens qui étaient là avant lui, avaient réussi à les envoyer au goulag. Et il devait se dire aussi que... Si jamais il ne réussissait pas, il serait lui aussi un traître. Donc l'enjeu était quand même important, même à titre très personnel, on va dire. Donc je vais un petit peu continuer à développer le contexte dont je viens un petit peu de parler. Donc pendant la période tsariste, faut savoir que je parle du contexte agronomique, en fait. Mmh. Pendant la période tsariste, il faut savoir que les paysans russes ne sont pas propriétaires de leurs terres. Lénine quand il va prendre le pouvoir, et avec la NEP, la nouvelle politique économique, va leur donner la propriété de leurs terres. On passe d'un régime féodal à des petits propriétaires qui vont faire une forme d'agriculture vivrière. En plus, pendant la période tsariste, il n'y a pas eu véritablement de volonté de moderniser l'agriculture. Les petites agricultures vivrières, les petites exploitations vivrières sont pas non plus hyper idéales pour passer à de l'agriculture intensive, donc ça va pas non plus développer augmenter le techniquement parlant l'agriculture. Enfin, ils vont pas employer de nouvelles techniques révolutionnaires non plus pendant la NEP. Et quand Staline met en place des fermes d'État, les kolkhozes et les sovkhozes, les paysans soviétiques, nouvellement propriétaires, rechignent à s'occuper de ces fermes collectives plutôt que de leur propre lopin de terre. Pour tenter de les pousser à travailler, la direction soviétique augmente les taxes sur les productions des terres non collectives et réglemente de plus en plus leur surface dans l'espoir de voir les paysans se mettre à travailler davantage dans les fermes collectives. Mais au vu de ces nouvelles réglementations, ceux-ci choisissent souvent d'aller travailler en dehors du secteur agricole, ce qui aggrave encore la situation de l'agriculture soviétique à l'époque. Dans ce contexte, les dirigeants soviétiques cherchent désespérément une solution. Or, les gains de production donc, que leur promettent des biologistes classiques tels que Vavilov sont à un horizon lointain, plus de 50, tandis que Lysenko promet des progrès immédiats. Et évidemment, vu qu'il se base sur aucune réalité scientifique, si ce n'est son instinct, il peut promettre des progrès très rapides, vu qu'il n'a pas à s'opposer aux faits, tandis que Vavilov, lui, et les biologistes classiques savent ce qui est scientifiquement possible ou pas. Bon, ouais. le deuxième, Le deuxième point qui va expliquer Lysenko, on en a déjà un petit peu parlé, c'est la cohérence avec l'idéologie communiste. À partir de 1947, en réponse à la doctrine Truman, qui cherche à organiser un endiguement du soviétisme, l'URSS adopte la doctrine Zhdanov et se lance dans une campagne de communication répandant une vision manichéenne du monde, séparée entre un camp impérialiste bourgeois et un autre camp anti-impérialiste et prolétarien. Lysenko est un homme du peuple, et non content d'incarner par ses origines l'homme nouveau communiste, il développe avec Present, dont je vous ai un petit peu parlé tout à l'heure, et quelques autres, un concept qui ressemble de plus en plus à une application de la doctrine Zhdanov dans le domaine scientifique et une généralisation des idées de Marr, dont je vous ai aussi parlé tout à l'heure, donc la théorie des deux sciences. Cette théorie consiste à opposer donc ce qu'il appelle la science bourgeoise à la science prolétarienne. Il se base sur quelque chose issu du marxisme appelé le matérialisme dialectique, et il met en valeur la pratique au détriment des canons de la recherche. Il ne faut pas non plus oublier qu'à l'époque où Lysenko rejette la sélection naturelle, celle-ci a récemment été reprise par les idéologues nazis et peut donc aussi être vue comme porteuse d'une idéologie politique. Le darwinisme n'est pas non plus complètement neutre à l'époque. On peut penser au darwinisme social, etc. Tout cela, il y a un certain nombre d'économistes qui, à l'époque, cherchent à récupérer les idées de la sélection naturelle pour essayer de les appliquer à l'économie. Et puis il y a Malthus qui est un économiste et qui est vu comme qu'on peut relier à Darwin. Et tout ça sont des idéologies qui ne sont pas outre mesure sympathique d'un point de vue communiste et qui sont de temps en temps, enfin pour le nazisme ou pour certains points de l'idéologie de Malthus, Malthus est un eugéniste, sont juste pas sympathiques du tout, et on peut comprendre que ça joue contre Darwin si jamais on cherche à le politiser excessivement, comme c'est le cas en Russie. Tout cela donc contribue à populariser les idées de Lysenko dans une intelligentsia nomenclatura s'affichant nécessairement comme très politisée mais n'ayant pas forcément une grande culture scientifique. Ces deux premiers éléments contribuent grandement au succès de Lysenko, mais il convient néanmoins de les relativiser. Si les promesses du lysenkisme ont pu convaincre au début certains dirigeants soviétiques, elles ne peuvent expliquer à elles seules la persistance du lysenkisme. En 1948, quand Lysenko contestait reçoit l'appui crucial de Staline, ça fait déjà 10 ans qu'il est qu'il contrôle peu ou prou la biologie soviétique sans résultat notable, et il s'apprête à la contrôler sans aucune concurrence pendant 4 ans. De même, si l'opposition entre sciences bourgeoises et sciences prolétariennes semble à partir des années 47-48 la doctrine officielle du parti communiste, ce moment est de courte durée, car dès 1950, Staline lui-même prend parti dans un opuscule sur la linguistique, le marxisme et les problèmes de la linguistique, contre les idées de Marr en linguistique, et donc contre la théorie des deux sciences. Donc je vais un petit peu développer ce point avant de continuer. Donc les idées de Nicolas Marr furent longtemps l'idéologie officielle du régime en matière de linguistique. On peut se demander alors pourquoi est-ce que Staline choisit brusquement de les rejeter. Outre les pures staliniennes et la volonté de se débarrasser d'encombrants maristes, on peut trouver une raison idéologique à ce rejet. En effet, contrairement au marxisme et au léninisme qui l'ont précédé, le stalinisme n'affirme plus que la révolution sera mondiale ou ne sera pas, mais cherche du coup à mettre en place le socialisme dans un seul pays. Du coup, alors qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, Staline parle de victoire du peuple russe et non pas de victoire du peuple soviétique, et que les langues parlées dans le bloc communiste se multiplient, les idées très universalistes de Nicolas Marr, qui parle de créer une langue unique pour la totalité des prolétaires du monde, grosso modo, deviennent de plus en plus contraires à la politique menée. Le rejet des idées de Nicolas Marr présente donc aussi un avantage, l'avantage de renforcer la cohérence du régime. Néanmoins, tout cela ne va pas empêcher Lysenko de poursuivre son ascension, ni même d'ailleurs un autre élément qui va aussi limiter la théorie des deux sciences, c'est quand Staline va essayer de l'appliquer à la physique. C'est-à-dire, grosso modo, les physiciens russes vont lui dire, bon, écoutez, c'est bien gentil votre théorie, mais vous avez le choix entre soit la bombe atomique, soit la science prolétarienne, et Staline va pas tellement hésiter longtemps, malgré l'opinion de Breja, et va opter pour la bombe plutôt que la théorie des deux sciences. Dans ce contexte, la disparition de la théorie des deux sciences semble être un dégât collatéral de considérations à visée politique de plus grande ampleur que je viens de vous expliquer. Quelle ironie, donc c'est la bombe atomique qui a eu raison de cette pseudo-science en URSS. Entre autres, c'est la bombe atomique et le nationalisme de Staline, on va dire. Ouais. Enfin, le fait que Staline ne voulait plus rester sur cet universalisme marxiste et léniniste. Mm-hmm. Sinon, à l'étranger, en particulier en France, le climat très politisé de la guerre froide a fortement retardé la dénonciation du lysenkisme, dans le sens où les scientifiques engagés au Parti communiste n'ont pas osé tout de suite dénoncer Lysenko, même si ils savaient que c'était une arnaque ou que ça ne marchait pas. Et le lysenkisme est aussi le résultat des dons de politiciens de Lysenko. Tout au long de son ascension, Lysenko a su nouer des liens au sein de la nomenclature du parti, avec la Pravda d'abord, puis avec Staline et son entourage, et même avec Nikita Khrouchtchev après la mort de Staline. Il faut aussi surtout rajouter que l'essentiel du triomphe de Lysenko a eu lieu dans le contexte des purges staliniennes, pendant lesquelles il existe une réelle volonté du pouvoir central en Russie d'écarter les anciennes générations, aussi bien dans les domaines scientifiques que politiques, pour les remplacer par une jeune garde. Par ailleurs, à cette époque, l'agriculture soviétique, comme je l'ai dit tout à l'heure, subit un échec important qu'il est nécessaire d'attribuer à quelqu'un l'attribuer à des scientifiques à la solde de l'étranger est une manière de ne pas avouer l'échec du comité central sur ce point. C'est beaucoup plus intéressant. Il est possible aussi que Staline, le contexte politique lui avait permis, s'il était resté un peu plus longtemps au pouvoir, s'il n'était pas mort, quelques années plus tard, eut assez peu de scrupules à accuser Lysenko de l'échec de l'agriculture russe et à l'envoyer à son tour au goulag. Staline l'a fait avec un certain nombre de ses proches. Lysenko était sûrement moins proche que d'autres proches de Staline qui ont terminé mort au goulag. Alors, je vais terminer ce petit tour fort sympathique de cette théorie très joyeuse par les échos contemporains du lysenkisme. On peut trouver sur Internet des formes de néo-lysenkisme, mais c'est vraiment marginal, c'est pas des scientifiques, et grosso modo, c'est un petit cercle qui semble se confondre avec la galaxie fort réduite des défenseurs du stalinisme. On peut faire un lien entre le lysenkisme et, par exemple, alors ça va pas forcément plaire à tout le monde, mais l'homéopathie, dans le sens où la mémoire de l'eau de Benveniste, sur lequel se base l'homéopathie, est pas si loin des idées de Lysenko au niveau des engrais de la terre, donc mélangée à 15% de fumier qui garderait un pouvoir d'engrais. Et il y a un petit peu, enfin, dans ces textes, quelque chose qui pourrait être le parallèle avec la terre de la mémoire de l'eau de Benveniste avec l'eau. Ouais, et puis globalement, au niveau du principe, quoi, l'homéopathie, on sait qu'elle n'a aucun fondement scientifique et qu'on essaye juste de donner des allures un peu scientifiques à ce qui, au Tout à fond, est une fait. croyance. Tout à fait. Et justement, en parlant de croyances, de manière plus générale, ce qu'on retrouve derrière le lysenkisme et ce qui a permis au lysenkisme de marcher, c'est un dogmatisme qui était plus fort que la vérité scientifique. C'est-à-dire qu'on mettait le dogme, que ce soit le dogme de Lysenko, c'est-à-dire les a priori qu'il avait sur la science, que ce soit le dogme communisme passé avant la vérité scientifique, avant les expérimentations. Et finalement, les expérimentations étaient là que pour prouver ce qu'on savait déjà, en quelque sorte. Et là, bon, c'est un petit peu caractéristique de la plupart des pseudosciences. Et on pourrait aussi faire le lien avec l'intelligent design aux États-Unis et remarquer que les premiers dogmatismes forts auxquels on pense, ça va être des dogmatismes religieux, ça va être l'interprétation littérale de la Bible, mais qu'une idéologie politique, on le voit, peut être quasiment aussi dogmatique qu'une interprétation littérale de la Bible. Et puis, à un autre niveau, et entre autres au niveau des méthodes, c'est-à-dire que Lysenko a fait une grande partie de sa carrière dans la Pravda, il a communiqué principalement lors de son ascension vers des médias de masse en court-circuitant les circuits scientifiques officiels. C'était un grand communicant. Et là, on pourrait limite faire le lien avec l'article qui a fait la une du Nouvel Obs il y a quelques semaines sur les OGM, où il y avait une véritable volonté de faire du sensationnalisme, c'est-à-dire que présenter l'article de manière, enfin présenter l'étude de manière parfaitement objective, ne pouvait pas mener à une conclusion en gros titre, façon les OGM sont nocifs, c'est prouvé. Ça pouvait au mieux mener à des conclusions de type tel type d'OGM semble nocif ou des études sur des durées plus importantes semblent être une piste intéressante pour évaluer l'hypothétique nocivité des OGM. Et ça a véritablement été cette étude scientifique a véritablement été construite comme une campagne de com et pas comme une étude en étant ouvert sur les résultats possibles. On sent que les personnes qui l'ont mené savaient déjà ce qu'ils voulaient trouver. Bon, j'espère ne pas avoir été trop confus. J'ai eu l'impression d'avoir bafouillé un certain nombre de fois. Mais voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Ok, on a quelques questions pour toi. D'abord un commentaire de Tracker Stellaire sur Twitter qui demande ce qu'en pense Mélenchon. C'est rhétorique, hein, il ne faut pas répondre. Par contre, on a une vraie question de Pingouin dans la chatroom qui demande si les scientifiques des pays occidentaux ont essayé de reproduire les expériences de Lysenko pour les vérifier. En France, oui, et ça n'a pas marché. Ils ont rapidement laissé tomber. Ça aboutit à un divorce d'un certain nombre de biologistes avec le Parti communiste à l'époque. Puis il y avait un certain nombre d'expériences qui avaient déjà été menées préalablement à Lysenko. Enfin, tu le disais tout à l'heure, bon, ça c'est pas tout directement Lysenko, mais Pasteur avait prouvé qu'il n'y avait pas de génération spontanée, par exemple. Merde, c'est qui avait prouvé qu'il n'y avait pas de. C'est Weizmann qui avait fait, je crois, l'expérience sur les queues de souris pour mettre de côté l'hérédité des caractères acquis. Enfin, y a une grosse partie de ce qu'affirmait Lysenko qui avait déjà été prouvé préalablement comme étant non scientifique, mais étant donné que de son point de vue, c'était de la science bourgeoise, donc nécessairement fausse, ça comptait pas. Mon premier réflexe quand j'entends ça, ce serait de me dire, bon, mais ça s'inscrivait dans un tel contexte idéologique que finalement, voilà, ça c'est un truc de l'époque. Mais c'est vrai que, ouais, quand tu fais remarquer que l'homéopathie, le créationnisme, les pseudo-recherches financées par l'industrie du tabac. Oui, aussi, oui. Ouais, finalement, reflète exactement le même phénomène. C'est un peu inquiétant, quoi. On se dit qu'effectivement, ça peut arriver tout le temps, partout, cette instrumentalisation de la science, cette espèce de besoin de caution de la science pour faire passer des idées, mais en même temps sans la respecter dans ce qu'elle est, quoi, en la détournant de sa méthode, de son essence même. Tout à fait. Oui. Enfin, c'est-à-dire que idéalement, quand on fait des recherches scientifiques, normalement, on doit avoir une certaine. C'est pas forcément le cas. C'est normal. On doit avoir une certaine ouverture d'esprit sur les résultats possibles. Ouais, C'est-à-dire c'est qu'on ça. doit considérer que les résultats peuvent être positifs comme être négatifs. Si jamais on part du principe que de toute façon, ils doivent être dans un certain sens, c'est plus vraiment C'est des déjà plus de sciences. la science. Ouais. C'est aussi le coup classique des pseudo-sciences. C'est-à-dire que si on répète une expérience en parapsychologie ad vitam aeternam, on finira bien et qu'on ne publie jamais les expériences donnant lieu à des résultats négatifs, avec le taux d'erreur, on finira bien par avoir un certain nombre d'expériences avec des résultats positifs à publier. Donc c'est pas une démarche scientifique, ça. Et c'est un petit peu ce qu'on ressent dans la démarche de Lysenko, c'est-à-dire faire un petit peu n'importe quoi et publier que les éléments qui semblent aller dans son sens. Bah écoute, formidable dossier, merci beaucoup. C'est vrai que ça te détonnait pas mal par rapport à ce qu'on fait d'habitude, Tout à mais... fait, j'espère que c'est pas trop histoire des sciences, on va dire. Ah non, mais moi ça m'a beaucoup plu. Je pense que c'est bien aussi d'apporter cette perspective de temps en temps. Je vois juste qu'on a encore une question de Pingouin dans la chatroom qui demande si la solution n'est pas en général la multiplication des recherches d'équipes diverses afin de les vérifier. Bah, tu as tout à fait raison, Pingouin. L'unique problème, c'est que dans le cadre de la biologie soviétique sous Lysenko, tous les scientifiques qui pensaient pas comme Lysenko ont terminé au goulag, enfin à une certaine période en tout cas, enfin pendant son ascension et pendant son apogée. Du coup, il n'y avait pas tellement d'équipes pour mener des recherches concurrentes, même si elles étaient menées à l'étranger. Mais on sait que pendant la guerre froide, il y avait moins, sinon pas, de communication entre l'étranger et le monde soviétique. Mais oui, sinon, tu as tout à fait raison. Oui, la solution, c'est multiplier les équipes diverses. Et normalement, c'est comme ça qu'est censé marcher la science. Ben c'est bien, une petite piqûre de rappel de temps en temps quand même, se souvenir qu'on n'est pas à l'abri de ce genre de dérive et puis qu'il faut quand même rester vigilant. Et sinon, au passage, l'une de mes sources, bon là, elles sont sur le dossier, est quelqu'un qui s'appelle Yann Kindo, dont j'avais extrêmement apprécié son article sur Lysenko. Vous pourrez le trouver dans les références du dossier, qui est vraiment très très bien fait, beaucoup plus complet, enfin plus long aussi que ce que j'ai fait là. J'ai cru entre-apercevoir en fait que c'était un contact de notre ami Georges Mackie, un contact Facebook de notre ami Georges Mackie. Donc peut-être écoute-t-il Podcast Science. En tout cas, je le remercie encore pour son excellent article qui m'a en grande partie servi de base. Bon, bah, cas échéant, on le remercie, alors effectivement. On a encore un dernier commentaire de Levi dans la chatroom qui dit que ça lui fait penser au fait que les expériences sur la médecine chinoise, par exemple l'acupuncture, sont beaucoup plus positives en Chine qu'ailleurs. Oui, je crois avoir vu passer un article là-dessus d'ailleurs, mais j'ai pas lu le détail. Mais oui, c'est possible que ce soit le même genre de biais, à savoir des expériences qui sont menées, qui ne sont publiées que quand elles vont dans le bon sens. Ok, bah écoute, on va en rester là pour ce soir. Super dossier, vraiment, merci beaucoup. Je crois que j'ai été un peu trop long, mais. Mais non. Et puis on va s'intéresser au dossier de la semaine prochaine. Semaine prochaine et la suivante. Alors il faut savoir que pour changer, on a plein de problèmes techniques ce soir. Et Nico a dû éteindre son ordinateur. Alors je sais pas si on a réussi à le récupérer. Nico doit être avec nous depuis son iPad. A priori, je suis là, je ne sais pas avec quel son, mais je Magnifique. suis là. Ok, c'est les joies de la technique quand elle fonctionne un peu. C'est ça, un peu. Donc Nico, de quoi est-ce que tu nous parles la semaine prochaine et la suivante? Et bien, après être arrivé sur Podcast Science en parlant de tout, en parlant de l'infini, j'ai décidé de parler de rien, c'est-à-dire de parler de l'histoire du zéro, donc aussi bien comment on faisait avant qu'il y ait le zéro, comment il est apparu, comment il a disparu finalement. Comment il est réapparu? Comment, à une époque, le zéro et la bataille sur l'utilisation ou non du zéro étaient aussi importantes que les batailles entre Mac et PC à notre époque? Enfin voilà, plein de choses sur l'histoire de ce nombre un peu mystérieux et qui peut parfois se révéler extrêmement dangereux, qui est la source de pas mal de bugs informatiques. Je crois qu'il y a une navette spatiale américaine qui a explosé à cause du zéro. Donc, je crois que c'est le cas le plus important d'erreur à cause du zéro. En dehors des guerres, bien sûr, qu'il a provoquées. Ok, donc ça c'est un Voilà. gros dossier que tu vas nous présenter en deux épisodes, c'est Voilà, en ça? deux épisodes, donc un la semaine prochaine et un dans 2 semaines. Voilà. Sur le Magnifique. zéro. Ok, est-ce que vous avez entendu le tic-tac pendant que Nico parlait? Non, pas moi en tout cas. Moi non D'accord. plus. Parce qu'en perdant l'ordinateur de Nico, on a perdu les jingles aussi et on a perdu les sons qu'on devait passer, notamment le son de la semaine. Alors je vais quand même faire un essai. Si par miracle ça marche, ce serait cool. Allons-y. Est-ce que vous l'entendez? Non, je suis désolé. Bon, c'est pas grave, on le rajoutera au montage. Le son donc que vous n'avez pas entendu, on va reprendre l'explication au début. Donc le son et les ondes électromagnétiques, comme la lumière ou les micro-ondes, sont des choses complètement différentes. Mais elles ont pourtant en commun d'être des ondes. On peut les dessiner de la même manière et on peut convertir facilement une onde électromagnétique en une onde sonore et vice-versa. Et le son que vous venez d'entendre est justement le résultat de la conversion audio d'une onde électromagnétique. C'est ce qu'on pourrait entendre si on avait des antennes à la place des oreilles en se baladant au bord du champ magnétique de la Terre, lieu de collision permanente d'ondes radio. C'est un signal très particulier dans le sens où l'onde oscille à des fréquences proches de ce qu'on peut entendre justement, à quelques hertz seulement. Du coup, c'est très simple à convertir en son, un pour un. Et les scientifiques appellent ce son chorus. Et le chorus que nous venons d'entendre a été capté par la paire de satellites lancés par la NASA en août dernier, appelés Radiation Belt Storm Probes, et dont le but est d'étudier ces radiations afin de les détecter plus rapidement, et de pouvoir prévenir les conséquences des phénomènes électromagnétiques. Alors on trouve plus d'informations sur le blog de Phil Plait de Bad Astronomy, et puis on trouvera dans les notes de l'émission un lien sur le son original de la NASA, et puis sur une vidéo également qui explique le phénomène. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils démodulent, enfin, ils font varier les fréquences de l'onde pour que ce soit dans le domaine sonore, en fait. En fait, c'est deux domaines différents, l'onde électromagnétique et le domaine sonore. Tu étais obligé de les convertir. Oui, c'est ça. Et tu diminues les fréquences, en fait. Faut que tu les augmentes, je sais pas dans quel sens faut aller. Je suis même pas sûr que ce soit une transposition dans ce sens-là, parce que la fréquence est à peu près la même, en fait. Mais D'accord. ouais. Ok. Bon, ce sera à creuser. Très bien. Ok. Sinon, on passe à l'audioblog de la semaine. Ouais, qui va aussi être très particulier. Bah, comme on peut pas passer de son ce soir, tu vas nous le faire en live. Alors, on va parler d'un article du blog Chou-Romanesco, Vache-qui-rit et Intervalle Curvilingue, j'adore ce titre, qui s'appelle 20 ans d'ignobel en mathématiques. Donc c'est un article qui date de septembre 2011, et en septembre 2011, la cérémonie des Ig Nobel de... avait... La cérémonie des Ig Nobel a pour la 21e fois parodié la remise des prix Nobel en récompensant les recherches scientifiques les plus improbables, les découvertes les plus absurdes ou les prouesses les plus nuisibles. La fournée des Ig Nobel 2011 est une nouvelle fois haute en couleur, puisqu'elle prime entre autres la découverte de l'absence de contagion du bâillement chez les tortues charbonnières à pattes rouges ou la densité idéale de wasabi nécessaire pour être réveillée en cas d'urgence. Les domaines récompensés par l'Ig Nobel sont les mêmes que ceux du prix Nobel. Paix, littérature, médecine, physique, chimie, économie. Mais suivant l'actualité de l'année, d'autres domaines sont parfois à l'honneur, comme l'art, la psychologie, la zoologie, l'informatique ou les mathématiques, domaine cruellement absent des Nobel. Aujourd'hui est donc un jour parfait pour passer en revue 20 ans d'Ig Nobel en mathématiques. En fait, si on regarde les choses de plus près, on s'aperçoit que les mathématiques n'ont été primées que 6 fois en 21 ans. Du coup, le tour d'horizon va être vite fait. Alors, en 1993, Robert Feld a été récompensé pour avoir calculé les chances exactes que Mikhail Gorbatchev soit l'antéchrist. Robert Feld, donc ingénieur nucléaire, mais également numérologue, originaire de Greenville en Californie du Sud, a utilisé toutes ses connaissances en statistique pour évaluer, avec une incroyable précision, la probabilité que Mikhail Gorbatchev soit l'antéchrist. La probabilité en question est de 1 chance sur plus de 710 millions de millions. 710 millions de milliards, excusez-moi. Ce calcul a été réalisé par Feld dans son livre « Gorbatchev has the real antichrist come », publié en 1988. En apprenant sa victoire, Robert Feld a assuré que son livre était tout à fait sérieux et qu'il n'y a rien de ridicule à utiliser les mathématiques pour répondre à des questions qui ne sont pas du champ mathématique. On passe en 1994, où l'église baptiste sudiste de l'Alabama a été récompensée pour ses estimations du nombre de citoyens d'Alabama destinés à l'enfer. C'est donc la Southern Baptist Church of Alabama, mesureur mathématique de moralité, qui a été récompensé pour avoir calculé, compté par compté, le nombre de citoyens destinés à l'enfer, à moins qu'ils ne se repentissent. Dans les faits, on apprend par exemple que le comté de Butler perdra seulement 30% de ses âmes, alors que le comté de Jefferson perdra 42,8%. Le calcul mené par l'église baptiste n'est pas si compliqué que ça. À partir de données datant de 1990, ils ont simplement calculé le nombre de personnes dont la religion n'est pas la leur. En 2002, Skrikumar et Nirmalan ont été récompensés pour avoir estimé la surface totale des éléphants d'Asie. Donc Skrikumar et Nirmalan, chercheurs à l'université de Kerala en Inde, ont été récompensés pour leur article « Estimation of the total surface area in Indian elephants ». Où il détermine expérimentalement la surface totale des éléphants d'Asie, à partir d'un panel représentatif composé de 24 éléphants, 12 mâles, 12 femelles, de 18 à 60 ans, de 1880 à 5290 kg, ils ont découvert un modèle n'utilisant que 2 paramètres, la hauteur du garrot, H, et la circonférence de ses pattes antérieures, FFC. En particulier, la surface totale d'un éléphant est indépendante de son sexe. La formule qu'ils ont découverte est la suivante. La surface est égale à moins 8,255, plus 6,807 H, donc la hauteur du garrot, plus 7,073 FFC, la circonférence des pattes antérieures. On passe en 2006, où Svensson et Barnes ont été récompensés pour le calcul du nombre de photos qu'il faut prendre d'un groupe de personnes pour être sûr qu'une personne ne cligne des yeux. Donc Svensson et Barnes, membres du CIRO, l'organisme gouvernemental australien pour la recherche scientifique, ont été récompensés pour leur article « Blank-free, photo guaranteed », où l'on peut lire les formules donnant, pour un nombre de personnes données, le nombre de photos qu'il est nécessaire de prendre pour être presque sûr qu'aucun d'eux ne ferme les yeux. Svensson et Barnes sont partis du principe qu'un être humain normal cligne des yeux 10 fois par minute, qu'un clin d'œil dure 250 millisecondes et que, avec une bonne lumière, le temps de pose d'une photo est de 8 millisecondes. Après, c'est qu'une histoire de calcul de probabilité, d'événements indépendants et de courbes en cloche. Avec une mauvaise lumière, il faudra une trentaine de photos pour prendre un groupe de 30 personnes sans qu'elles ne soient gâchées. Cependant, pour un groupe de 50 personnes, même avec une bonne lumière, il est presque impossible d'avoir une photo réussie. En 2009, Gideon Gono a été récompensé pour avoir imprimé une très large gamme de billets de banque. Gono n'est autre que le gouverneur de la réserve bancaire du Zimbabwe. Pour simplifier la vie quotidienne de ses concitoyens qui doivent faire face à tout type de nombres, il a mis en circulation un grand nombre de billets de banque allant du centime jusqu'à 100 000 milliards de dollars. Et enfin, en 2011, donc l'année de cet article, Martin, Robertson, Clark, Rim, Merwin et Camping ont été récompensés pour avoir enseigné la prudence dans le domaine des affirmations basées sur les calculs mathématiques. En effet, cette année, Martin, Robertson et Clark, américains, Lee Jang-rim de Corée, Credonia Merwin d'Ouganda, Harold Camping des États-Unis ont été récompensés pour avoir respectivement calculé la fin du monde en 1954, 1982, 1990, 1992, 1999 et 1994. Notons tout de même que Harold Camping a recalculé la date de la fin du monde et qu'elle tombera cette fois-ci le 21 octobre 2011. Voilà pour l'article donc de Chou Romanesco, Vache qui rit et Intervalle Cuvilligne, un très bon blog, dont on entendra reparler dans les blogs audio. Excellent, bah, formidable, c'est, merci, c'est très bon choix. De toute façon, les Ignobel, de manière générale, c'est très très bon, hein. Il y a pas grand-chose à jeter, même hors des mathématiques, quoi. Ouais, c'est quoi le slogan déjà? C'est des trucs qui. C'est les recherches qui font sourire d'abord, qui vont réfléchir après, c'est ça? Je crois, ouais. Il me semble. Ben là, celle-là, du calcul du nombre de photos sans que les gens clignent des yeux, c'est quand même utile, quoi. Ah, sans doute, ouais. Très utile. Dans le monde de Nico, je suis convaincu que ça peut servir tous les jours. Attends, ouais. Ah, je suis d'accord, ça pourrait limite être combiné à de la reconnaissance faciale sur des appareils photo, ça pourrait vaguement avoir une application pratique. Je t'avoue que la surface des éléphants d'Asie, c'est un peu moins utile, quoi. À part éventuellement pour savoir quelle dose de peinture il faut pour les repeindre tous en tigre, mais... Bah voilà, ouais. Je viens de trouver une... C'est ça. Ok, on va passer à la suite... Donc on va revenir un peu sur les émissions précédentes, en fait sur l'émission précédente, Podcast Science numéro 102, sur les nombres premiers. Un résultat qui a obtenu des stats absolument époustouflantes. En moins d'une semaine d'existence, l'épisode Caracol dans le top 4 des épisodes de Podcast Science avec près de 4000 downloads, aux côtés du chat de Schrödinger, de la politique et de la centième. C'est juste dingue, je m'explique pas ce phénomène. C'est l'effet nombre premier, quoi. Est-ce que c'est un nombre premier, le nombre de downloads, ou pas? Bah, je sais pas exactement. Je viens de vérifier, c'est 4150, ça colle pas. Non, c'est pas un nombre premier. Bon, bien essayé. Et c'est l'épisode le plus téléchargé à ce jour. Ça y est. Ah, c'est bon? C'est fait? Ouais, c'est fait. Ah, donc il est même plus dans le top 4, c'est l'épisode non, c'est le plus téléchargé. Ça y est, c'est ça. Incroyable. Wow. Voilà. Bon. On a eu quelques réactions à chaud. Il y avait John Kallak qui nous demandait sur Twitter si placer cet épisode entre l'épisode 101 et le 103 était volontaire. Ça m'a beaucoup plu, parce que donc c'était l'épisode 102. C'est vrai qu'il se trouve juste entre deux premiers jumeaux. Ouais. Bien sûr, c'était fait exprès. Tout ça est planifié. Tout à fait. On avait hésité avec le 97, mais finalement... On a Jonathan Payne Chamings aussi. Tu... Oui, comme tu veux. David, je te passe la parole. Ok, donc il nous dit qu'il vient d'écouter le dossier. Félicitations à Robin, j'ai été fasciné par l'explication géométrique des nombres premiers. Par contre, je regrette un tout petit peu qu'il n'ait pas été abordé l'aspect pratique et concret des nombres premiers dans le quotidien, notamment par rapport à la génération de nombres aléatoires ainsi qu'à leur utilisation en cryptographie. Écoute, on va demander ça à nos mathématiciens la prochaine fois. On peut peut-être dire deux mots en fait là-dessus, c'est pas très compliqué, c'est que c'est compliqué de trouver de vérifier si un très grand nombre est premier. Donc en cryptographie, une méthode simple pour avoir une méthode de cryptographie, c'est que j'ai une clé publique qui est un nombre premier, je le multiplie par ma clé privée qui est un autre nombre premier qu'il y a que moi qui connais. Donc la clé publique, tout le monde la connaît, la clé privée, il y a que moi qui la connais, et ça donne un très grand nombre qui est pas premier. Mais pour obtenir les deux nombres premiers dont il dépend, c'est un calcul qui est beaucoup trop long à faire, en gros. Alors qu'en diviser le produit par un des deux nombres, c'est très facile. Donc on a, avec une clé, la moyenne de résoudre... Je ne sais pas si je suis clair. On si a le résultat d'un produit qui est très grand, et pour réussir à obtenir les deux nombres premiers dont il dépend, qui sont uniques, c'est très compliqué. Par contre, quand on en a un des deux, c'est très facile d'avoir l'autre. Je connaissais le principe et je trouve que c'est toi qui l'as le mieux expliqué de toutes les explications que j'ai entendues. Bon, ben merveilleux, écoute. Et c'est en gros ça en crypto qui est utilisé énormément en cryptographie, c'est le fait que ben, c'est très facile de faire une division, par contre c'est très difficile de obtenir les nombres premiers à partir d'un grand nombre, quoi. Et qui plus est de vérifier qu'un très grand nombre est premier. Mais ça, c'est même à vrai dire, ça, si je dis pas de conneries, je pense que les algorithmes qui aujourd'hui vérifient que des très grands nombres sont premiers en sont même pas sûrs. Il y a une probabilité tellement haute qu'ils sont premiers que ça suffit à tout le monde, quoi. En gros. Quasi premier, du coup. Et typiquement, les algos de carte bleue qui vérifient très rapidement si votre carte bleue n'est pas une fausse, les tests qu'ils font très rapidement ne sont pas des vrais tests, en fait, sont des tests qui éliminent la plupart des faux cas. Et c'est Ok. toujours basé sur les nombres premiers. Ouais, c'est pour ça que je parlais de 97. En fait, y a un calcul simple à faire sur les numéros de carte bleue que je ne connais pas de tête, qui donne un chiffre qui est divisible par 97, qui est le plus grand nombre premier inférieur à 100. Ok. Voilà pour l'utilisation pratique des nombres premiers. Ben merci. Alors sinon, on avait aussi un message de George Mackey qui nous dit Putain, quel traitement, je suis admiratif, me faire rester 1 heure et m'intéresser sur les noms premiers. Alors là, je dis bravo, ça ne m'était pas arrivé depuis jamais, si je me souviens bien. Donc George Mackey, que normalement on va retrouver dans le podcast du 9 novembre prochain, c'est ça, Alan? Ouais, c'est ça. Si tout va bien. Voilà. Je te laisse. C'est toujours un plaisir. On a Xavier Durussel aussi, qui a été plus prosaïque. Excellent, le dossier, j'aime. Toujours efficace. Et puis, sinon, on a eu plein de commentaires dans la page du dossier sur le site, donc podcastscience.fm, avec notamment une question de Mathieu qui se demande, notre Mathieu, donc, qui se demande si le concept de nombre premier est valide dans toutes les bases. Alors voilà, si vous avez de l'aspirine sous la main, vous pouvez aller suivre la discussion. Nico, t'as une opinion sur la question? T'as envie de dire quelque Bah, a chose? priori, ce qu'on avait dit, il y avait ton argument qui était peut-être le plus simple pour ça, c'est que la définition du nombre premier qu'avait fait Robin, très géométrique avec les histoires de carrés, de rectangles et de triangles, Ouais. enfin de rectangles surtout, on n'a pas besoin de définir une base quelconque, avec des cailloux, on peut le faire, et donc du coup, en fait, la définition de nombre premier ne fait pas intervenir de base. Donc après, tout ce qu'on peut Exactement. dire, les petites bidouilles du genre si ça finit par 0 ou un nombre pair, c'est pas un nombre premier, ça bien sûr ça marche que dans la base où 2 est un nombre premier, mais sinon il n'y a pas de raison d'avoir une base particulière pour les nombres premiers, globalement. Ok, et puis bon, on va passer au quiz de la semaine. Donc le quiz de la semaine dernière, si vous vous souvenez, c'était tout simple. Les poils et les cheveux poussent plus épais et plus fort après le rasage. Info ou intox? Alors c'est vraiment regrettable qu'on n'arrive pas à passer des sons dans l'émission de ce soir, parce que pour une fois, on avait un commentaire audio. Commentaire audio qui a été un peu fastidieux à produire en plus, parce qu'évidemment, le système de commentaire audio était en panne le jour où on a eu notre premier commentaire audio. Et puis, c'est un commentaire audio qui venait de loin, qui venait de Chine. C'est Ouais. Jérôme qui l'avait préparé. Bonjour. La réponse à la question qui était de savoir si le poil repousse plus fort ou plus épais après un rasage serait non. L'impression d'épaisseur du poil serait surtout due à sa taille, en fait, qui étant plus petite rendrait le poil moins flexible. L'épaisseur et la vitesse de pousse seraient déterminées par les hormones, notamment la testostérone, et la quantité de poil serait, elle, déterminée par les gènes. On peut remarquer chez certaines femmes enceintes d'un garçon, vers la 11e, 12e semaine de grossesse, une petite moustache qui pousse chez ces dernières. Ce serait dû au fait qu'il y ait un pic de testostérone qui sert à la différenciation des organes mâle-femelle à cette époque, et la testostérone passerait donc du placenta au sang de la mère, ce qui augmenterait la vitesse de pousse des poils. La vitesse de repousse des poils après un rasage, quant à elle, serait identique à celle d'avant le rasage. Par contre, on peut noter une différence entre le rasage et l'épilation. Lors de l'épilation, le bulbe est arraché, alors que lors du rasage, le poil est simplement coupé, et à la différence du gazon qui pousse à partir de la pointe, le poil pousse à partir de la bulbe. Donc le bulbe n'a pas besoin de se reformer pour repousser. Voilà une petite réponse. Bah, j'espère que ça ira et je vous souhaite bon courage pour la suite. S'attendait aussi à ce que ça passe pas. Du coup, il nous a envoyé une version écrite de son intervention. Alors, il nous dit, le cheveu est constitué d'une racine contenue dans un follicule, implantée dans le cuir chevelu, le derme, et d'une tige de kératine, molécule fibreuse constituant aussi les ongles de notre peau fabriquées par la racine. Cette tige de kératine est la partie visible du cheveu, tige qui n'est en réalité qu'une structure morte. Cette tige du poil ne contient ni vaisseau sanguin ni nerf. Le fait de couper les cheveux ne stimule ni n'affecte donc en rien la racine ni le système de fabrication du cheveu, étant donné que ce dernier n'est en fait qu'une structure certes visible mais inerte. Et puis je viens de me rendre compte que je me suis planté. En fait, ce que j'ai lu, c'est pas la réponse écrite de Jérôme. Il l'avait écrite à tout hasard, mais j'ai oublié de la coller dans le document. Ce que je viens de vous lire, c'est la réponse que j'avais préparée, que je suis allé piocher sur tatoufo.com, le tombeau des idées reçues. Il y a toujours des trucs très intéressants. Voilà, donc ça c'était la réponse en version cheveux, mais c'est bien sûr exactement la même pour les poils, parce qu'un cheveu ou un poil, ben, c'est finalement, à part la longueur, c'est rigoureusement identique. Et ce que je vous propose comme quiz pour cette semaine, alors accrochez-vous, il va falloir dire si c'est une info ou une intox. On peut déterminer la température ambiante grâce au champ des grillons. Info ou intox? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, a priori? Moi, je pense que c'est trop bizarre d'inventer ça comme ça, quoi. Ouais, Donc, je pense que c'est une info. j'allais dire la même chose. Ça me semble trop peu instinctif pour être faux. Ok, intéressant. Bon, on verra ça la semaine prochaine. Semaine prochaine, où on s'est promis, on aura réparé notre système et on pourra Ah passer ben, les centaines j'espère. de commentaires audio qui seront arrivés d'ici là. Par Et contre, je complète en disant que je doute que ça marche pour toutes les températures. tu Je veux dire, les pense que, je températures, pense les qu'à grillons partir ne vivent pas. je pense qu'à partir d'une certaine température, le grillon ne fait plus de bruit. Ouais, effectivement, je pense qu'une fois qu'il est cuit ou s'il est congelé, ça marche pas. C'est dans un certain range, bien sûr. Ok, ben on passe sans plus attendre à la quote de la semaine. Est-ce que quelqu'un a préparé quelque chose? Moi, je peux dire que c'était sur mon ordinateur qui est mort, c'est ça? Ah ouais, tu peux dire ça, ouais, c'est pas Je mal. peux te trouver des quotes de Lysenko, si tu veux. Il va me falloir 2 secondes, mais... Ok. Bon, écoute, moi j'en avais préparé une à tout hasard. Vas-y, ouais. Ouais, et puis je pense qu'elle est pas mal de circonstances. Je la dis en anglais, puis quelqu'un la traduit. Ouais. The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge. Et c'est de Stephen Hawking. C'est très joli. Le plus grand ennemi à la connaissance n'est pas l'ignorance, c'est d'être persuadé de connaître, de savoir. C'est ça en gros. C'est l'illusion de la C'est connaissance, ouais. l'illusion de la connaissance, j'avais oublié le terme de fin. C'est l'illusion de la connaissance, c'est ça. Ouais, c'est très chouette. C'est de Stephen Hawking. Ouais, ça me parle Ça. bien. Puis je trouve que ça colle assez avec l'histoire de Oui, Lysenko carrément, aussi. oui. Tout à fait. Dans l'intervalle, David, tu as retrouvé la quote? Alors, bah, j'en ai trouvé une éventuellement, mais bon, ça va être un peu bizarre. En fait, c'est une quote de Staline, si je ne fais pas erreur, et c'est le moment. Ah si, éventuellement, j'en ai une très rapide. C'est la première quote de Staline, c'est "Bravo, camarade Lysenko, bravo", qui est pas mal. Enfin, c'est le Staline réagissant au propos de Lysenko à un moment donné lors d'un congrès. Sinon, j'ai une quote de Staline au moment où il a décidé d'enterrer la théorie des deux sciences. Donc, c'est intéressant. L'erreur de nos camarades est qu'ils ne voient pas la différence entre la culture et la langue et ne comprennent pas que la culture change de contenu à chaque nouvelle période de développement de la société, tandis que la langue reste pour l'essentiel la même pendant plusieurs périodes et sert aussi bien la nouvelle culture que l'ancienne. Ainsi, la langue comme moyen de communication a toujours été et reste une langue unique pour la société commune à tous ses membres. La formulation caractère de classe de la langue relève d'une thèse erronée non marxiste. Alors bon, avant il a promu le contraire, mais bon, c'est le moment où il a enterré la chose. Je vois. Bon, heureusement qu'elle n'était pas en russe et qu'il n'a pas fallu la traduire à la volée. Donc, ouais. C'était trop compliqué. Effectivement. Ok, on va conclure avec quelques petits plugs et annonces, comme d'habitude. Nico, tu voulais nous dire quelque chose sur les évadés? Ah oui, il y a ma troupe d'impro qui fait sa rentrée avec un spectacle d'improvisation le 12 octobre, qui ne coûte qu'une consommation dans le bar. Et toutes les informations sur rubarow.fr ou sur mon blog. Donc rubarow.fr. D'accord. Voilà. Et ton blog, tu nous rappelles l'adresse? Nicotup.fr. Avec un E à la fin de tup? Ouais, un E à la fin de tup. Ok, excellent. Voilà. Le 12 octobre, t'as dit? C'est ça, c'est la semaine d'avant l'autre événement dont tu vas parler maintenant. Pas tout de suite, je voulais faire un petit plug pour le nouveau podcast de Florence Porcel dont on a déjà parlé la semaine dernière. On a parlé du premier épisode de La folle histoire de l'univers. Bah, cette semaine, on peut parler du deuxième épisode de La folle histoire de l'univers. Il y a une nouveauté, la semaine dernière on pouvait le regarder que sur YouTube. Aujourd'hui on peut également le télécharger sur iTunes. On le trouve sur le portail Podcast France, et puis on mettra le lien du flux RSS dans les notes de l'émission. Ça dure 10 minutes, franchement ça vaut le coup, il faut y aller. Des podcasts scientifiques, il n'y en a pas légion en francophonie. Alors. Et tant qu'on parle de nouveaux podcasts, tu as été interviewé dans un podcast avec David, je crois. Avec David, ouais. On a fait ça hier soir. Mais je crois que l'épisode... C'est pas encore en ligne, il me semble. Ouais, ce sera pas en ligne avant une semaine, je crois. Quelque chose comme ça, ouais. Donc on sera en ligne avant eux. Je pensais l'annoncer la semaine prochaine. Ah, d'accord, donc on ne dit rien. J'ai rien dit. Sinon, on va quand même vous rappeler de voter pour nous. Maintenant, c'est la base, en tout cas jusqu'au 22 octobre. Donc, notamment sur le podcast, sur le European Podcast Award, si vous y arrivez, c'est un petit peu compliqué. Mais surtout au Golden Blog Awards, où on est dans la catégorie blog scientifique. Je m'adresse aussi à tous les podcasteurs qui nous écoutent. On ne vous fait pas concurrence, puisque vous êtes tous dans la catégorie podcast. Nous, je ne sais pas ce qui nous a pris, on s'est mis dans la catégorie blog scientifique, où il y a de la concurrence, il y a du beau linge, il y a des blogs du Café des Sciences. On pensait qu'il n'y aurait pas de concurrence, donc l'an prochain, on va encore tester une autre catégorie, je pense. Ouais, c'est ça. on te laissera choisir la catégorie. C'est ça. Et puis, en parlant de Podcast France qu'on a évoqué tout à l'heure et qui est en lien avec l'interview à laquelle David et moi avons participé hier soir, vous avez la possibilité sur le portail podcastfrance.fr de voter pour les différents podcasts, pour vos podcasts préférés. On est à quelques clics de passer dans le top 20, alors on compte sur vous, il faut aller voter pour nous. Donc c'est sur podcastfrance.fr/podcastscience-fm. On mettra là aussi le lien dans les notes de l'émission. Et puis voilà, il suffit de cliquer sur le nombre d'étoiles que vous voulez nous attribuer et paf, vous avez voté. Et on se réjouit beaucoup, on a hâte de passer dans le top 20. Sinon, encore vous dire, vous rappeler une nouvelle fois notre event le 25 octobre à l'Espace des Sciences Pierre-Gilles de Gênes à Paris. Alors cette fois, c'est officiel. On a une page de l'événement sur Facebook. Je crois que c'est parti dans la newsletter de l'Espace des Sciences. Donc on peut plus défiler. Ce sera le 25 octobre, la soirée démarre à 19h, elle se termine vers 22h. Dans l'intervalle, il y aura un live de Podcast Science, donc on va le faire en public. Ce sera de 19h30 à 20h30, et puis avant ça et après ça, plein de trucs. Il y aura des expériences scientifiques. Pierre Kerner qui va extraire son propre ADN à l'aide de vodka. Oui, j'ai oublié de dire que la soirée va tourner sur le thème des sciences de l'apéro. Donc voilà, ce sera l'occasion de tester l'ébriété. Si c'est pour la science, on peut y aller, on paye la bière, pas de souci, venez nombreux. Il y aura bien sûr des illustrations live, non seulement de Nico, mais de toute la clique de Strip Science. Ouais, et a priori, il devrait y avoir pas mal de monde de Strip Science. Exactement. Ouais, donc c'est chouette. Ouais, j'ai perdu le compte maintenant, mais on en était à quoi? Oh, 4-5 personnes, je crois déjà. Ouais, même un peu plus, je crois. Donc ça va être sympa. Ouais, et il y aura d'autres animations. On va bien sûr essayer de casser quelques adages et dictons populaires sur l'alcool. Et puis, ce qui serait drôle, ce serait que les dessinateurs les illustrent. Donc là aussi, on a prévu quelques animations. Vous avez la possibilité, si vous êtes dans le public, de proposer vos citations et puis voir ce que ça donne, quoi. Voilà, le programme n'est pas encore complètement finalisé, mais on y arrive gentiment. Il y aura encore des surprises. Ce qui est vraiment important de noter, c'est la date, donc le 25 octobre. Le lieu, c'est l'espace des sciences Pierre-Gilles de Gênes à Paris. Et puis l'heure, donc ce sera à partir de 19 h. Et puis l'opération sera relayée évidemment à travers notre page de live. Donc vous pourrez quand même nous écouter à distance si vous habitez à plus de, qu'est-ce qu'on va dire? Allez, à plus de 10 000 km de Paris, on considère que vous avez une bonne excuse pour ne pas venir. Et du coup, vous pouvez nous écouter sur le live. L'opération sera relayée aussi par nos textes sur tous les médias sociaux. Donc vous aurez la possibilité de suivre ça à distance si vous ne voulez pas venir. Mais franchement, il faut venir. Pas mieux. Comme d'hab, n'oubliez pas de noter ce podcast, donc que ce soit sur iTunes, aussi sur Podcast France, on en a parlé tout à l'heure, ou sur notre site internet. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, c'est ça qui nous motive. Vous trouverez un petit plugin pour laisser des notes au dossier et pour laisser des commentaires audio. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, sur Facebook, partager nos dossiers sur votre réseau social préféré, ça nous aide à nous faire connaître au plus grand nombre et ça nous permet de répandre la science autour de vous. Pour nous trouver, iTunes Store, Podcast Science, Twitter, @Podcast Science, Facebook, Podcast Science, Google Plus, Podcast Science, en gros, Podcast Science un peu partout. Il y a toujours les Golden Blog Awards, on vous en a déjà parlé. Il y a aussi les European Podcast Awards, si vous trouvez comment voter. Et Alan l'a déjà dit, réservez bien la date du 25 octobre 2012 si vous êtes à Paris. Passez nous voir pour l'event IRL à l'Espace des Sciences. Voilà, et puis juste dire encore que John Callac, qui travaille en principe le soir, a posé son congé pour être avec nous ce jour-là. Alors voilà, le standard est fixé, maintenant il faut battre John Callac. Et je tiens juste à préciser que bien sûr, toutes les histoires de bière renversée sur mon ordinateur étaient uniquement de la communication pour la soirée du 25 octobre. Bien sûr. Science et alcool, tout ça. Voilà, tout à fait, ouais. T'as sacrifié un ordinateur, mais c'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause. Ouais. Ça c'est marrant, je vois dans la chatroom qu'on a quelques dictons populaires sur l'alcool qui arrivent, on va les noter. Genre, oui. L'alcool c'est bon pour le cœur, l'alcool ça affine les mirettes, excellent. Bon, on va bien s'amuser en tout cas. Donc on se retrouve la semaine prochaine, c'est Nico qui nous parle de l'histoire du zéro, donc c'est ça. Zéro 1 sur 2 si j'ose, puisque tu vas faire ça en deux épisodes, ce sera donc oula, jeudi. Fais attention, ne divise pas par zéro, c'est interdit. Ouais, il faudra que tu nous expliques comment ça. Attends, il y a des mathématiciens, ça j'ai découvert, mais je pense que j'aurais pas le temps de fouiller. Il y a des mathématiciens qui ont essayé de faire des espaces où on a le droit de diviser par zéro. Mais a priori, on peut plus rien faire du tout à part diviser par zéro, quoi. D'accord. C'est con. D'accord. Donc en fait, on a un écran bleu de la mort en permanence, ça. C'est ça. Mais donc, on a le droit. Ok, bah tu nous raconteras tout ça la semaine prochaine et la suivante. Donc on se retrouve le jeudi 11 octobre à 20 h 30. Bah d'ici là, excellente semaine à toutes et à tous. Et merci à tout le monde dans la chatroom d'avoir été là. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.